Chapitre 6e, l'ultimatum. 2 mois plus tard, un convoi de 12 bâtiments marchands de diverses grandeurs sous l'escorte d'un brick goélette fut signalé dans les passes de la Havane. Bientôt on reconnut le Capricozo. La nouvelle en fut portée au gouverneur général qui brandit dans son hamac et revêtit son grand uniforme. Le convoi restait sagement hors de portée de canon. Le brick faisait le signal qui appelle un canot à bord. « Par la potence que je te destine, maître bandit !» s'écria Don Antonio Barzone. C'était trop insolent que de venir me braver jusqu'ici. Le gouverneur avait envoyé chasser le Capricozo dans toutes les directions. On l'avait rencontré plusieurs fois, mais tantôt par une ruse, tantôt par une autre. Don Graviel avait toujours mis les chasseurs en défaut. Le capitaine Bertuzzi était mort à la peine d'un accès de rage aiguë. Après avoir fait une étrange consommation de jurons guttoraux, Don Antonio Barzone dut se résigner à expédier à bord du brick goélette un canot qui rapporta la lettre suivante. « Illustrissime Seigneur, Don Antonio Barzone, marquis de la Sermadura Sifamarotes, Grande Espagne, brigadier des armées de Sa Majesté, commandeur de ses ordres, gouverneur général de l'île de Cuba et Dépendance, etc., etc. Le très humble serviteur de Votre Excellence, Don Graviel Badajoz y Serrano y López, enseigne de frégate, commandant le Capricozo, a l'insigne honneur de la prévenir qu'il n'attend que son bon plaisir pour entrer dans le port de la Havane avec 12 prises faites sur les ennemis de Sa Majesté catholique. Mon bon plaisir, le maraud, interrompit le gouverneur. Ces 12 prises valent ensemble 3 millions de piastres sur lesquels, en sa qualité de gouverneur, votre grandesse aura droit à un quart et en sa qualité d'armateur à un autre quart, ce qui fait juste la moitié. « Peste !» murmura Don Antonio Barzone. « Votre Excellence sera prévenue du reste que 3 jours après la sainte fête de Noël, son très humble serviteur a légitimement épousé, en rade de l'île des Pins, sa fille bien-aimée, Donna Juana de la Sermaduras, laquelle joint avec empressement et soumission ses prières aux miennes pour entrer en grâce auprès de votre grandesse. » On ne sait ce que pensa Don Antonio Barzone en lisant ce paragraphe, mais à diverses reprises, les mots de corde, potence et bourreau passèrent entre ses dents. Toutefois, si Votre Excellence ne voulait pas accorder à tout l'équipage du Capricozo la vie sauve, les parts de prise et les positions de grade suivants, savoir premièrement à Don Graviel Badajoz, etc., le grade de lieutenant de vaisseau, ce qui lui fera franchir d'un bon ceux d'enseigne de vaisseau, de lieutenant de corvette et de lieutenant de frégate, et le commandement du Capricozo, que la couronne achèterait avec son droit sur la vente des prises. Deuxièmement, à Don Fernando, le grade d'enseigne de vaisseau, ce qui lui fera franchir d'un bond ceux d'enseigne de corvette et d'enseigne de frégate, et l'embarquement comme second sur le dit brick goélette. Troisièmement, à Maître Brimbolio, le grade effectif de maître d'équipage. En ce cas, son très humble serviteur se verrait dans la nécessité de profiter du vent de travers qui souffle bon frais, et d'aller chercher ailleurs ce qu'il réclame de la munificence de votre grandesse. À bord du Capricozo, ce 1er mars, 1000 et quelques. P.S. Il n'est peut-être pas hors de propos d'informer votre excellence des principaux faits et gestes du Capricozo durant sa dernière croisière. Indépendamment des 12 marchands qu'il ramène, il a coulé ou brûlé 3 briques de guerre anglais, et causé la perte totale d'une frégate qui le chassait le long de la Mona. Il a coopéré antérieurement à la victoire de la Santa Fe. Il a pénétré dans la baie de Kingston, en Jamaïque, et mis le feu à bord de tous les bâtiments qui s'y trouvaient, ensuite de quoi il a relâché à San Juan de Porto Rico, dont le gouverneur l'a fort bien accueilli, et a donné à connaître les résultats de la campagne à Sa Majesté catholique le roi de toutes les Espagnes. « Que le vomito negro étouffe mon diable de gendre !» s'écria enfin Don Antonio Barzone, marquis de la Sarmadura Sifamarotes. « Mais il faut parbleu bien que j'en coffre mon 1,5 million de piastres et que je lui laisse ma fille. » Or, attendu que personne ne fût pendu et que la présence de Doña Juana sur le brick avait singulièrement contribué d'abord à en rendre le séjour agréable et puis à faciliter la rentrée en grâce de chacun auprès de son excellence le gouverneur, il s'en suivit que maître Brimbolio fit une exception en faveur de la femme de son capitaine, et dit qu'entre toutes les créatures de son sexe, celle-là était bonne à quelque chose. Quant à Fernando, touché du bonheur de son ami, il en vint une fois jusqu'à songer à se marier, projet qu'il ne réalisa jamais, considérant que les émotions et tracas du ménage ne peuvent s'allier avec la tranquillité d'esprit qu'exige la passion de la pêche à la ligne, vu que nul ne peut servir de maître. Ainsi s'achève Don Gabriel Alférez de Gabriel de la Landelle.